Chapitre 11. Horace parti, le colonel et Thérèse discutèrent les différents incidents de ce récit, mais tous deux se gardèrent de dire un seul mot de la chute de l'Empire. Il semblait qu'une convention avait été conclue entre eux à ce sujet, et qu'ils avaient l'un et l'autre, et autant l'un que l'autre, le même désir de l'observer. En effet, que pouvait-il dire dans la situation où il se trouvait? Thérèse ne pouvait pas parler de son prochain départ, car maintenant il n'y avait plus de raison qu'il empêchasse son père et elle de rentrer rue de Charonne. De son côté, le colonel ne pouvait pas faire allusion à la très prochaine libération de Michel, car c'était s'engager sur un terrain qu'il s'était promis de respecter. La soirée s'écoula donc lentement, lourdement pour eux. À minuit, Antoine n'était pas rentré, et il était assez probable qu'il ne rentrerait pas dans la nuit. Ce fut ce que le colonel expliqua à Thérèse en lui disant que, sans doute, Antoine avait des mesures d'organisation à prendre. Les députés, surpris par l'envahissement de la chambre, pouvaient, après le premier moment d'effarement, essayer une résistance. Le gouvernement devait penser à se joindre à eux. Enfin, il était raisonnable de croire que l'Empire, qui pendant 20 ans s'était montré si redoutable, n'allait pas s'évanouir en fumée. Antoine devait faire ce raisonnement. Et avec ses amis, il devait s'occuper de soutenir, si besoin était, leur succès de la journée. Il était donc inutile de l'attendre davantage, et il engagea Thérèse à se retirer. Antoine ne revint point dans la nuit, et la moitié de la journée du lendemain s'écoula sans qu'on le vît paraître. Les nouvelles étaient de nature à rassurer pleinement Thérèse. Jamais révolution ne s'était accomplie d'une façon plus pacifique. Pas un coup de fusil n'avait été tiré, puisqu'il n'y avait pas eu de résistance. Si le corps législatif avait disparu devant une invasion, le Sénat s'était envolé sous le souffle de la panique. Quant aux ministres, on ne savait ce qu'ils étaient devenus. Cela ressemblait à une scène d'escamotage. Jamais on n'avait vu un aussi misérable évanouissement. Et l'on se demandait si tout à coup ils n'allaient pas sortir de la boîte à surprises dans laquelle ils avaient cru habile de s'enfermer. Assurément, c'était une ruse. Tous ces bravaches n'avaient pas dû avaler complètement les lames de sabre avec lesquelles ils avaient jonglé et paradé pendant 20 ans. C'était ainsi que raisonnaient bien des gens. C'était ainsi particulièrement que raisonnait Thérèse. Aussi désirait-elle voir son père. Elle se disait que, s'il ne pouvait pas venir à elle, c'était à elle d'aller à lui. Voyant qu'il ne rentrait pas, elle fit part de son désir au colonel, en lui annonçant son intention d'aller rue de Charonne. Son père devait s'y trouver. En tout cas, il avait dû venir. « Je vais aller avec vous, » dit le colonel. Il avait vu dans les journaux qu'on avait délivré quelques condamnés politiques. Peut-être était-il de ce nombre et se trouvait-il déjà en liberté. Dans ce cas, il avait dû certainement accourir rue de Charonne. Alors, le colonel voulait voir comment Michel allait accueillir Thérèse et comment Thérèse allait accueillir Michel. D'un autre côté, il ne voulait pas que Thérèse restât rue de Charonne. Et pour empêcher cela, il fallait qu'il fût présent, tout prêt à engager une discussion avec Michel, si cette question se présentait, ce qui était probable. Lorsqu'ils sortirent, le coupé vint se ranger devant le perron. Mais Thérèse s'arrêta sur la première marche. « Si vous voyez, » dit-elle, « quoi, ma cousine, nous irions à pied. Vous avez envie de voir Paris aujourd'hui ? Oui. » Et puis j'ai encore une autre raison, faut-il la dire? Mais sans doute il faut toujours tout me dire. Vous ne sauriez croire comme j'aime la franchise et la sincérité. Eh bien, cela me gênerait de descendre de ce beau coupé devant notre pauvre porte. Est-ce que cela vous était une gêne de monter en calèche devant votre pauvre porte quand nous avons fait notre promenade à Longchamp? Oh, alors, elle n'acheva point. Et il ne demanda pas ce qu'il y avait dans cet alors. Une réponse les eût entraînés sur un terrain qu'il s'était lui-même interdit, en donnant sa parole d'honneur à son oncle, de ne pas dire à Thérèse d'autres paroles que celles que pouvait prononcer un ami ou un frère. Ils partirent donc à pied. Le colonel avait tenu son engagement et, le lendemain de l'arrivée de Thérèse, il lui avait envoyé une couturière et une modiste qu'il avait habillée aussi simplement qu'elle avait voulu. Cependant, comme alors elle devait rester chez son cousin, Thérèse n'avait pas poussé cette simplicité jusqu'aux dernières limites. Il ne fallait pas lui faire honte. Et vraiment, ceux qui avaient des yeux, en ces jours de fièvre, pour regarder les femmes, devait trouver que cette jeune fille, vêtue d'une toilette simple mais de bon goût, ne faisait pas honte au grand gaillard sur le bras duquel elle s'appuyait légèrement. En tout cas, celui-ci paraissait fier de sa compagne. Il marchait à demi penché vers elle et presque constamment il la regardait, ne la quittant pour ainsi dire pas des yeux. Pour elle, elle relevait souvent la tête vers lui, et ils avançaient ainsi à travers la foule, les yeux dans les yeux. Pour ceux qui faisaient attention à eux, c'étaient deux amoureux. Cependant, ce n'étaient pas des paroles d'amour qu'ils échangeaient. Mais il est des circonstances où les paroles n'ont aucune importance, et où ce ne sont pas les mots mêmes qu'on entend qui font battre les artères et bondir le cœur. Un regard, un sourire, une inflexion de voix, une pression de main, ont alors une puissance autrement entraînante que les plus éloquents discours. Ils étaient alors précisément dans ces conditions. En eux, il y avait deux personnes, ou plutôt, il y avait l'esprit et le cœur complètement indépendants l'un de l'autre. L'esprit, sensible à ce qui se passait sous ses yeux et à ce qui frappait ses oreilles. Le cœur, sensible à une seule chose, la joie d'être ensemble. Ce n'était donc pas d'eux-mêmes qu'ils parlaient, c'était de ce qui les entourait. Et le spectacle de la rue était vraiment curieux. Autant Paris était sombre deux jours auparavant, autant il était joyeux. Plus de Prussiens, plus de sièges. Un miracle semblait avoir supprimé ces deux dangers menaçants. Toute l'activité s'était concentrée dans deux opérations opposées. On collait des affiches sur toutes les murailles, et on arrachait, on déclouait les lettres, les écussons, les armoiries qui parlaient de l'Empire. Les trottoirs étaient encombrés d'échelles sur lesquelles les ouvriers travaillaient à détruire tout ce qui pouvait rappeler ce régime méprisé. Les marchands qui, quelques jours auparavant, étaient fiers de leur titre de fournisseur de Sa Majesté l'Empereur, présidaient eux-mêmes à ces destructions. Il fallait au plus vite effacer de leur devanture ce souvenir qui déjà était complètement effacé de leur conscience. En passant devant la boutique d'un pharmacien, ils trouvèrent le trottoir barré par deux échelles sur lesquelles des ouvriers étaient montés, arrachant avec précaution les écussons impériaux. Au pied de l'échelle, un petit homme, coiffé d'un képi de garde national, leur donnait ses instructions. « Ne cassez rien, mais enlevez-moi au plus vite ces insignes infâmes !» Et se tournant vers des badauds qui examinaient curieusement cette opération, « Notez, dit-il, que je n'ai jamais rien fourni à l'empereur. Seulement, quand il était président de la République, il avait fait une note chez moi, et pour me la payer, il m'avait donné ce titre de fournisseur de Sa Majesté l'Empereur, que j'ai été obligé de prendre. Oui, messieurs, obligé, sous peine d'être persécuté. » Puis s'adressant aux ouvriers, « Faites attention » cria-t-il. À ce moment, les ouvriers étaient en train de descendre un écusson doré représentant les armes impériales. Soit maladresse, soit hasard, soit intention de s'amuser, ils le laissèrent tomber sur le trottoir où il se cassa en morceaux. « Vous vous fichez de moi ?» cria le pharmacien furieux. « Je vous dis de faire attention et c'est comme cela que vous travaillez. » « Vous voulez donc le garder pour le faire servir plus tard ?» dit une voix dans la foule. Et ce fut une explosion de rire auquel le pharmacien jugea prudent de se soustraire en rentrant chez lui. La course fut longue du faubourg Saint-Honoré à la rue de Charonne. Ils la firent sans se presser. Lorsque Thérèse demanda si son père était venu, le concierge poussa les hauts cris. Il avait peine à reconnaître dans cette élégante jeune fille la petite chamberlain. Mais sa femme, qui savait boire et comprendre, lui imposa silence, et s'adressant poliment au colonel, elle répondit que M. Chamberlain était venu, mais qu'il était parti sans dire s'il rentrerait ou il allait. Une question était sur les lèvres de Thérèse. Le colonel devina ce qui se passait en elle et lui vint en aide. « Mon oncle n'a pas dit où on pouvait le trouver ?» demanda-t-il. « Non. » « Il n'a pas dit non plus où on devrait l'aller chercher, ceux qui viendraient pour le voir ?» « Non, seulement il l'a peut-être dit au manchot. » Thérèse eut une contraction. « Ah, Deniso est libre ?» demanda le colonel. « Oui, il est en haut. Vous n'avez qu'à monter. Vous allez le trouver. » Ils montèrent sans parler. « Et Michel ?» C'était la question qui se posait, mais ils l'évitèrent l'un et l'autre. Peut-être allait-il leur ouvrir lui-même la porte. Au bruit de leurs pas, une voix s'écria « Qui est là ?» Cette voix, qui était celle de Deniso, partait de la cuisine. Ils se regardèrent. « C'est moi !» répondit Thérèse. « Thérèse ?» s'écria Deniso, et il ouvrit la porte de la cuisine. Mais en apercevant le colonel, il recula d'un pas. « Et Édouard ? s'écria-t-il, tous les bonheurs à la fois. L'Empire abat, la liberté, Thérèse et Édouard, en voilà une fête, il ne manque que Michel. » Il leur serre la main, puis, se mettant à tourner sur lui-même en sautant, « Non, c'est trop fort, il faut que je danse un pas. » Et clopin clopant, il se mit à danser. Mais tout à coup il s'arrêta. « Ma colle qui va brûler » s'écria-t-il, et il courut au poêle qui était allumé et sur lequel une grande marmite bouillait. « Vous savez, » dit-il gravement, « la patrie avant tout. » Et sérieusement, comme s'il accomplissait une cérémonie, il se mit à tourner la cuillère de bois qui trempait dans la marmite. « Vous avez vu mon père ?» demanda Thérèse pendant qu'il tournait sa cuillère. « Je crois bien que je l'ai vu. Et une bonne poignée de main que nous nous sommes donnés, car on m'a délivré ce matin. Si Michel avait été en prison à Paris, il serait libre aussi. Mais il faut le temps qu'il revienne de province. Il va bientôt arriver, j'espère. Seulement je n'aurai pas le plaisir de le voir, car je pars. « Et où allez-vous ? » demanda le colonel. « Où la patrie m'appelle ? Je ne sais trop vous dire dans quel pays, mais un peu partout, je pense. » Et comme il comprit lui-même que ses paroles n'étaient pas très claires, il s'empressa de les expliquer. « Voilà ce que c'est. Vous pensez bien que maintenant que nous sommes en République, les choses ne peuvent pas se passer comme sous l'Empire. Les peuples sont faits pour s'entendre, n'est-ce pas ? Comme les souverains sont faits pour se quereller et se dévorer. Ça, c'est logique. » Il ajouta un peu d'eau dans sa marmite et remua plus vivement. Puis il continua. « Partant de ce principe, on a décidé d'adresser une proclamation au peuple allemand pour lui faire entendre la voix de la fraternité. La voici, cette proclamation. » Disant cela, il prit une affiche dans un tas de papier encore tout humide qui était posé sur la table, et ayant trempé un gros pinceau dans sa marmite, il colla rapidement cette affiche sur un panneau de bois. Bien que n'ayant qu'un bras, il fit cette opération presque aussi vivement qu'un colleur de profession. « N'est-ce pas que c'est pas mal collé pour un manchot ? » dit-il en admirant son ouvrage. « Très bien. Quand j'en aurai collé seulement une douzaine, ça ira. Seulement il ne faut pas de vent. » Voilà donc la proclamation qu'on adresse aux Allemands. Et lui-même se mit à lire tout haut. « Au peuple allemand. Tu ne fais la guerre qu'à l'empereur et point à la nation française, a dit et répété ton gouvernement. Repasse le Rhin. Sur les deux rives du fleuve disputé, Allemagne et France, tendons-nous la main. Oublions les crimes militaires que les despotes nous ont fait commettre les uns contre les autres. Proclamons la liberté, l'égalité, la fraternité des peuples. Par notre alliance, fondons les États-Unis d'Europe. Vive la République universelle. Voilà, dit Denisot, voilà. Eh bien, demanda le colonel. Eh bien, quand je suis arrivé, sortant de ma prison, on allait envoyer cette proclamation à l'imprimerie. Alors j'ai demandé à m'en charger. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour la défense de la patrie, un homme dans ma position ? Un bras de moins, une jambe avariée, je ne suis pas propre à grand-chose, un fusil à la main. Il n'y avait que la police de l'Empire pour dire sans rire que j'étais un dangereux émeutier. Émeutier, oui, et je m'en honore, mais dangereux, malheureusement, non. Enfin, si je ne peux pas rendre des services en marchant dans les rangs, je peux m'employer autrement, car le moment est venu, n'est-ce pas, où tout le monde doit donner son intelligence, son sang, ses forces ou son argent à la patrie. Moi, je n'ai à lui offrir que mes forces, car pour l'argent et l'intelligence, je ne suis pas millionnaire, on donne ce qu'on a. Et c'est la meilleure offrande. Enfin, voilà ce que je vais faire. Je prends ce paquet d'affiches et je le mets sur mon dos. Dans ce grand seau que vous voyez là, je verse la colle que je suis en train de faire. Car c'est de la colle, ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la bouillie. C'est de la belle et bonne colle de Pâques préparée par Denisot lui-même pour qu'elle soit meilleure. Et je m'en vais au devant des Allemands. Le premier que je rencontre halte et je lui braque mon affiche sous le nez. On dit que tous les Allemands savent le français. Il la lit ou se la fait traduire et voilà. S'ils continuent d'avancer, je recule en collant mes affiches. S'ils s'en vont, je les suis en collant toujours. Mais assez causé, ma colle est prise, il n'y a pas un moment à perdre. Car si les Allemands ne sont pas autour de Paris, ils sont en France, et nos frères de la province vont à subir leur invasion. Et c'est avec cette affiche que vous comptez arrêter la marche des armées allemandes ? Demanda le colonel. Mais sans doute, ce sont des hommes comme nous, sensibles à la voix de la justice et de la fraternité. Le colonel allait répliquer, mais il se tut. Avait-il le droit, au nom de la critique, de combattre cet enthousiasme. Au lieu de parler, il prit la main de Deniso et la lui serrant chaleureusement. « Vous êtes un brave cœur. Allez, c'est avec la foi qu'on se sauve. » Deniso regarda le colonel d'un air étonné. « Je ne vois pas trop pourquoi je suis un brave cœur, dit-il. Mais c'est égal. Votre poignée de main me donnera des jambes le long du chemin. Si je vous disais que c'était un chagrin pour moi de ne pas aller vous voir, vous et Thérèse, avant mon départ. Antoine m'avait dit d'aller vous trouver. Mais vous savez, la patrie avant tout, et il n'y a pas de temps à perdre. » Tout en parlant, il avait fait ses préparatifs de départ. Il avait placé ses affiches dans une serviette en serge qu'il avait nouée aux quatre coins en se servant de sa main et de ses dents. Puis il avait enfoncé son chapeau dans son seau à colle et il s'était chargé son paquet d'affiches sur ses épaules, son seau à son bras. « Maintenant, il faut se séparer, » dit-il, « et au revoir. » Ils descendirent l'escalier. Dans la cour, Thérèse interrogea Deniso pour savoir où pouvait se trouver son père. Mais Deniso n'en savait rien. « Il travaille pour la patrie, » dit-il. « Ne vous inquiétez pas. » Pendant ce temps, le colonel expliquait au concierge qu'il fallait envoyer chez lui les personnes qui viendraient demander Antoine Chamberlain ou Thérèse, et il donnait une de ses cartes. Deniso était impatient de partir et, clopin clopant, ses affiches sur le dos, il s'éloigna, montant la rue de Charonne, s'en allant ainsi gaillardement au-devant du peuple allemand.